إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, c'est un petit livre qui est écrit par le Cheikh Saleh Al-Fawzan, rahimahullah. Et en fait, c'était une conférence qui avait été donnée par le Cheikh en l'an 1426, le 10 du 4e mois. Et c'était au sujet des derniers versets de Surat Al-Ahzab. Et ça s'est produit à Riyad. Et donc, dans la mosquée de Ali ibn Abi Talib. Donc il a fait cette conférence et elle a été remise en forme de livre. Et puis, alhamdoulillah, c'est très bénéfique, cette petite risala, très bénéfique. Et à la fin, il y a des questions et des réponses sur différents sujets qui se rapportent au thème de la sourate, aux thèmes qui sont abordés dans la sourate. Donc, Inch'Allah, on va lire ça ensemble, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc, en premier, on va réciter les versets qui sont mentionnés à ce sujet. Les versets qui vont être expliqués dans ce livre. Donc, Cheikh, il commence dans le verset 56 jusqu'à, comme on a dit, jusqu'à 73, pardon. Donc, il dit premièrement, « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi » il mentionne les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi » يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ça veut dire quoi? Ça veut dire certes Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ensuite, l'autre verset, verset 57, c'est إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Donc le verset 57, ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les a maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et leur a préparé et leur prépare un châtiment avilissant. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, ceux qui offensent Allah et son messager, oui, on a lu ça, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ensuite, le verset 59. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Dans le verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie au prophète, ô Muhammad, il s'adresse à son prophète, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur djilbab, le pluriel c'est djalabib, qu'elles ramènent sur elles leur grand voile, c'est traduit en français par le grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux.

ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, c'est-à-dire les mushrikines et les mushrikates, ceux qui font le shirk, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est le dernier verset de Surat al-Ahzab. Donc ça c'est les versets qu'on va lire aujourd'hui. On n'aura pas le temps de le faire en un seul cours, bien entendu, mais on va commencer par ces premiers versets qu'on va lire, et puis ce qu'on n'a pas le temps de terminer aujourd'hui, on le complétera dans les lundis suivants, inshallah. Donc pour commencer, le cheikh dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, فإن سورة الأحزاب سميت بذلك لأن الله ذكر فيها غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق، وسميت الأحزاب لأن العرب بقيادة أبي سفيان تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجتمعوا لحربه وطوقوا المدينة، وسميت الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المدينة بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه يمنع دخول العدو إلى المدينة، وهي غزوة عظيمة حصل على المسلمين فيها من الضيق والحرج وتكالب الأعداء من الداخل والخارج، المشركون من الخارج واليهود والمنافقون من الداخل كلهم تألبوا على المسلمين يريدون القضاء على الإسلام، ولكن الله تعالى كبتهم وردهم خائبين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب يعني أعانوهم من اليهود من سيعصيهم يعني من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب الآيات إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى. Donc on va lire cette première introduction, cette première partie de ce tafsir. Le Cheikh il dit, premièrement, au nom d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, et sur ses fidèles, sur ses compagnons, et sa famille, et ses compagnons, et ceux qui ont été guidés par sa guidance. Ensuite, le Cheikh il dit, la Surat al-Ahzab, on l'appelle Surat al-Ahzab, pourquoi? Parce que yani, c'est une bataille dans laquelle les Arabes, tous les mouchriquins, les Arabes mouchriquins à l'époque qui étaient dans la région, se sont réunis tous ensemble contre les musulmans, contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on l'appelle avec la dirigeance de Abu Sufyan. Abu Sufyan, il a réuni un grand nombre de différentes tribus arabes pour combattre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à Médine. Donc ils ont encerclé la ville de Médine, Al-Madina, pour combattre les musulmans et combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'appelle cette bataille aussi Al-Khandaq, Ghazwatul Khandaq, puis on va voir dans quelques instants pourquoi on l'appelle Al-Khandaq, yani la bataille de Al-Khandaq. Al-Ahzab, si on le traduit, c'est le pluriel de Hizb. C'est le pluriel de Hizb, ça veut dire les partis ou les différents groupes. Et c'est traduit dans la traduction qu'on a du Coran en français de Matba' al-Malik Fahad, l'imprimerie du roi Fahad en Arabie Saoudite. C'est traduit par les coalisés. Donc c'est traduit par le terme les coalisés. Donc, ça veut dire un grand nombre de personnes qui se sont réunies contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'appelle, cette bataille, on l'appelle également Al-Khandaq. Et Al-Khandaq, c'est quoi un Khandaq? C'est une tranchée. Et les tranchées, c'est-à-dire, c'est une technique de guerre que les gens ont ramené. En fait, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait utilisé cette technique sous le conseil de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Lui, il était perse, d'origine perse. Et lorsque c'était, lorsque les musulmans ont entendu que donc, lorsque les musulmans ont entendu que les mouchriquins se réunissaient pour attaquer les musulmans, alors Salman al-Farisi a suggéré cette méthode au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de creuser une tranchée tout autour de Médine, hein, comme ça. Les ennemis ne peuvent pas approcher facilement puisque les musulmans sont là aux aguets, ils ne peuvent pas être vus et eux ils voient l'ennemi, hein. Donc c'est ça l'avantage des tranchées, c'est que toi ton ennemi tu le vois mais lui il ne te voit pas, et puis donc c'est ça. Et donc c'est ça ce qui est arrivé. Ils ont creusé toute une tranchée tout autour de la ville de Médine. Imaginez, subhanallah. Après, le cheikh il explique que c'est une grande bataille. Et durant cette bataille-là, les musulmans ont eu beaucoup de difficultés, ont eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup de difficultés. Et les ennemis se sont tous rassemblés contre eux à l'époque. Des ennemis qui étaient à l'intérieur, hein, et qui étaient à l'extérieur. Donc les ennemis à l'extérieur, bien entendu, c'est les mouchriquins et les kuffar, yani les ennemis de l'islam qui sont apparents. Et les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire les juifs qui avaient une alliance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens qu'ils étaient, ils avaient un traité, une entente de paix avec les musulmans. Donc en principe, ils ne devaient pas attaquer les musulmans. Puis les munafiqins, qui sont ceux qui montrent en apparence qu'ils sont musulmans. Ils se disent musulmans, ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils font la prière et tout, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont contre l'islam et contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre la religion. Donc, ils sont des ennemis, mais ils sont à l'intérieur du corps des musulmans. Et donc, tous les ennemis se sont mis contre les musulmans en même temps. Et souvent, on voit ça. Lorsque les koufars se réunissent contre les musulmans, contre l'islam, c'est là qu'on voit apparaître les munafiqines parmi les musulmans qui expriment ou qui montrent et qui extériorisent leur hypocrisie et leur nifaq. Hein? C'est souvent quand les munafiqines voient que des ennemis extérieurs commencent à attaquer les musulmans, là ils se sentent forts tout d'un coup et puis ils se disent ça y est maintenant, on est capable d'attaquer les musulmans parce qu'on a un support de l'extérieur. Et c'est ça ce qui se passe même aujourd'hui. Hein? Donc, le cheikh il dit mais Allah subhanahu wa ta'ala les a frappés par une défaite, yani par la suite il les a fait retourner de où ils venaient, c'est ça, ils se sont fait repousser et renvoyer de là où ils venaient. Et le verset que le cheikh mentionne, c'est verset 25 et 26 dans sourate Al-Ahzab qui mentionne justement cette partie de la bataille quand ils ont eu la défaite. Le cheikh il mentionne le verset 25 et 26. Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné les croyants, a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, hein, qui avaient soutenu les coalisés. Et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Un groupe d'entre eux vous tuiez et un autre groupe vous faisiez prisonnier. Donc ça c'est qu'est-ce qui a été mentionné dans ce verset là 25-26 à ce sujet là. Donc le cheikh ensuite il dit وهي سورة عظيمة بدأها الله بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ثم ذكر. Donc on va expliquer point par point. Le cheikh il dit premièrement c'est une sourate, une très grande sourate, sourate Al-Ahzab. Dans le premier verset dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala il commence le discours en s'adressant directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en disant ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Hein? Donc c'est un ordre directement adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas obéir aux mécréants et aux hypocrites. Aujourd'hui, Allah musta'an, il y a des gens qui ne comprennent pas que cet ordre, ça s'applique à tout le monde. Pas seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à tous les musulmans, à toute la umma. On n'est pas supposé d'obéir aux hypocrites et aux kuffars. Malheureusement, on voit que ça partait parmi certains, non seulement des musulmans ordinaires, mais des gens qui prétendent appeler à l'islam, hein, ils obéissent aux kuffars et aux munafiqin dans leurs idées et dans leurs croyances. Allah musta'an. Après, le sheikh il dit, ثم ذكر سبحانه وتعالى ثم ذكر سبحانه وتعالى فيها إبطال التبني في الإسلام ونسخه إبطال التبني ونسخه وجعل الظهار طلاقا وجعله يمينا مكفرة. Donc en deuxième lieu, dans cette sourate on retrouve l'annulation de l'adoption dans l'islam et son abrogation, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'adopter des enfants dans l'islam comme les gens le faisaient dans la jahiliya et comme les kuffars le font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils prennent un enfant à leur charge et il devient cet enfant-là comme leur vrai enfant, c'est-à-dire ils donnent à cet enfant-là leur nom de famille, le même nom de famille qu'eux, comme s'il était de leur famille réellement, et puis ces enfants-là vont appeler leurs parents adoptifs par les termes de père et mère, alors que ce ne sont pas réellement leur père et leur mère. Et puis, yani, aussi, c'est qu'ils vont avoir droit à l'héritage et des trucs comme ça, alors que tout ça, ça a été annulé dans l'islam. Et tout ça, ça a été aboli. Et que si quelqu'un réellement veut aider un orphelin ou s'occuper d'un enfant orphelin, de subvenir à ses besoins, ainsi de suite, il peut le faire, d'accord, sauf qu'il ne doit pas lui donner son nom de famille. L'enfant doit garder son vrai nom de famille à lui et il doit savoir que ses parents-là ne sont pas ses vrais parents et il ne peut pas hériter d'eux, et ainsi de suite. C'est-à-dire, s'il y a des femmes, elles doivent se voiler en sa présence si c'est un homme, ainsi de suite. Donc, il y a le comment on appelle l'adoption dans l'islam, donc dans ce sens-là, ça n'existe plus après la révélation de ce verset-là. Et ça a été révélé à propos de Zayd, hein, à propos de Zayd qui était le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait adopté, hein, avant l'islam, et il l'appelait Ibn Muhammad, hein. On l'appelait fils de Muhammad. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, on a interdit qu'il soit appelé de cette manière-là dans ce verset-là. Puis on a, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, appelez-leur par le nom de leur père. Hein, c'est plus juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous ne connaissez pas le nom de leur père, alors ce sont vos frères en religion et vos servants. Donc ça veut dire que ça, c'est pour annuler les règles et les choses qui ont rapport avec l'adoption, pour que les gens sachent que c'était pas son fils, c'était une personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait adopté comme son fils, mais il n'était pas réellement son fils, et donc les règles des liens de sang ne s'appliquent pas. Ensuite, il y a le fait que Az-Zihar, il a été considéré comme une forme de talaq, et c'est-à-dire lorsque quelqu'un dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère, hein? Donc en voulant dire qu'il ne peut plus s'approcher d'elle, et ça a été déclaré comme étant une forme de divorce, lorsque quelqu'un prononce ça. Puis pour effacer cette faute, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a mis une expiation. C'est considéré comme un serment que quelqu'un fait qui doit être expié. Ensuite, le shaykh dit وذكر فيها احترام بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا تدخل إلا بإذن ولا يجلس الداخلون فيها جلوسا طويلا لأن ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منهم. Donc le shaykh ensuite il dit que dans cette sourate on a également mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne également qu'on doit respecter les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on ne doit pas entrer dans sa maison, excepté avec sa permission. Et lorsqu'on entre dans sa maison avec sa permission, on ne doit pas commencer à prolonger trop longtemps le temps qu'on reste dans sa maison, de continuer à parler longtemps. Parce que ça dérange le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui il est gêné de dire aux gens qu'il est par exemple occupé ou qu'il a des choses à faire ou des choses comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset là justement pour éduquer les mu'minines et leur apprendre les bonnes manières à ce sujet là. Ensuite le cheikh il dit ثم ذكر سبحانه وتعالى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في الاحترام والإجلال وتحريم تزويجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن زوجاته في الجنة. Le sheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il mentionne que les épouses du prophète صلى الله عليه وسلم sont nos mères, sont les mères des croyants, dans le respect, dans le respect qu'on doit avoir envers elles, et qu'il est interdit pour les musulmans de les épouser après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elles seront ses épouses au paradis. Wa zakara subhanahu wa ta'ala annahu khatama ar-risalat bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa qala subhanahu ma kana Muhammadun aba'a ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin فهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده. Le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne également dans cette sourate que la prophétie a été scellée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est dans le verset 40 dans sourate Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Donc il est le dernier des prophètes alayhi salatu wassalam, et il n'y aura pas de prophète après lui. ثم ذكر حقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة في هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Donc, le Cheikh dit ensuite, puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné un des droits parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des droits qu'il a sur la Ummah, et c'est dans le verset 56. Là, on commence à mentionner les versets qui ont rapport avec le tafsir qu'on va faire. Donc, le Cheikh, il mentionne le verset 56 qui dit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Donc, on va voir qu'est-ce que ça signifie, ces versets-là. Donc, le Cheikh dit « فَحُقُقُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ عَظِيمَةٌ وَكَثِيرَةٌ أَوَّلُهَا الْإِيمَانُ بِهِ سُبْحَانَهُ الْإِيمَانُ بِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتِقَادُ رِسَالَتِهِ ثُمَّ طَاعَتِهِ وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديقه فيما أخبر والالتزام بسنته وعدم إحداث البدع التي ليس لها دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم محبته أشد محبة من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Donc le cheikh il explique ici parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a sur sa umma, hein, il a des droits sur sa umma et ce sont des droits qui sont très grands, hein, des grands droits, ils sont très nombreux également. Le premier d'entre ces droits là, parmi les plus importants, c'est yani le fait de croire en lui. Ça c'est le premier droit qu'il a, qu'on croit en lui et qu'on croit en sa prophétie et en son message, puis de l'obéir. Hein, ça c'est un de ses droits, qu'on l'obéisse, hein, qu'on lui obéisse et qu'on mette en application ses ordres et qu'on s'écarte de ce qu'il nous a interdit et qu'on croit en ce qu'il nous a dit comme information au sujet de tout ce qui est l'invisible et de tout ce qui a rapport avec la religion, hein, et tout ce qu'il a nous a informé en général, on doit croire en ça et s'accrocher et suivre sa sunnah et de ne pas inventer des innovations qui n'ont, au sujet desquelles il n'y a pas de preuve dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite également le fait de l'aimer d'une façon qui est plus grande et plus forte que l'amour qu'on peut avoir pour nous-mêmes ou pour notre enfant ou pour notre père ou bien pour yani, les hommes en entier sur la terre. Donc on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toutes les créatures, toutes les autres créatures qui existent. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans son sahih et Al-Imam Muslim également dans son sahih, ce hadith qui dit aucun d'entre vous ne sera croyant tant que je sois pour lui plus aimé que son père, son enfant, hein, son fils et tous les hommes sur la terre. Donc, on doit l'aimer plus que tout parmi les créatures. Ensuite, il dit لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي هَدَانَا بِهِ هَدَانَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ وَمِنَ الضَّلَالِ إِلَى الْهُدَى وَأَنْقَذَنَا بِهِ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَهُوَ الَّذِي مَنْ اتَّبَعَهُ وَسَارَ عَلَى سُنَّتِهِ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِإِذْنِ اللَّهِ فله فضل عظيم على المسلمين فلذلك عظمت حقوقه على الأمة صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit parce que pourquoi il a tout ce droit là sur nous, parce que et pourquoi on doit l'aimer plus que toutes les autres créatures, c'est parce que il en est ainsi. Pourquoi c'est comme ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a guidés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la da'wa et par le message de, par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est par son prophète qui nous a guidés de la mécréance à la foi, de l'égarement vers la guidance, et qui nous a sauvés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la jahiliya, hein, de l'ignorance vers la lumière de la foi et de la science. Et c'est lui qui, le cheikh dit wa huwa allazi man ittaba'ahu wa sara ala sunnatihi yakunu min ahli al-jannah. Celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suit sa sunna, il sera inshallah parmi les gens du paradis par la permission d'Allah. Donc il a un grand mérite, hein, pour les, sur les musulmans, il a un grand mérite et il mérite de notre part qu'on yani, disons qu'on l'obéisse et qu'on ait de la reconnaissance par rapport au bien par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il nous a transmis cette révélation là qu'on suit aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il a tous ces droits là sur nous et sur la umma. Ensuite le cheikh il dit wa minha as-salat wa as-salam alayhi. قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Parmi les droits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sur sur la umma, c'est que on doit envoyer le salut et la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam On doit envoyer le salut et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 56. Hein? Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc, le cheikh explique que, qu'est-ce que ça veut dire ? أخبر سبحانه وتعالى أنه هو وملائكته يصلون على النبي ثم أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا أخبر أنه صلى عليه بنفسه هو وأن الملائكة في الملأ الأعلى تصلي عليه وأن المؤمنين في الأرض يصلون عليه ويسلمون عليه ومعنى الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ومعنى الصلاة من الملائكة الاستغفار للمؤمنين الاستغفار قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Donc on va expliquer. Le cheikh il dit que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que lui-même ainsi que ses anges prient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Le cheikh il dit, puis ensuite, il ordonne aux croyants également de faire la même chose, c'est-à-dire de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de lui adresser nos salutations. Donc ça, ça fait partie des droits que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a sur nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que lui-même, yani, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les anges qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont très élevés, eux aussi ils prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que les croyants sur la terre doivent eux aussi prier sur lui et envoyer des salutations sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le cheikh il dit que la signification de as-salat, quand on dit inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Yusalluna ala an-nabi. Ils font la salat, Allah et les anges font la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh explique que quand on parle de la salat et qu'on mentionne que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait, ça signifie qu'il fait des éloges pour son serviteur. Hein, il fait des éloges sur son serviteur auprès des anges qui sont élevés, qui sont près de lui. Donc il mentionne aux anges qui sont près de lui les biens et les bonnes qualités et les éloges, qu'il fait des éloges de cette créature, de ce serviteur auprès de ses anges. Et il mentionne à ses anges les qualités et les bonnes choses de ce serviteur-là. Ensuite, il mentionne la signification de la salat qui est faite par les anges. Et lorsqu'on dit que les anges font la salat sur quelqu'un, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils demandent pardon pour les êtres humains, pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans Surat al-Ahzab, le verset 43. Dans le verset 43, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: c'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Donc, c'est l'exemple qu'il mentionne à ce sujet-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que yusalli alaykum, il prie sur vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et on a expliqué que lorsque c'est une prière qui est faite par Allah subhanahu wa ta'ala, ou une salat qui est faite par Allah, ça veut dire qu'il fait des éloges, hein, il parle en bien de ses serviteurs auprès des anges. Et quand c'est les anges qui font la salat sur quelqu'un, ça veut dire qu'ils demandent le pardon pour ces créatures-là. Puis il dit: فَاللَّهُ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ بِمَعْنَا أَنَّهُ يُثْنِ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ والملائكة تصلي عليكم بمعنى أنها تستغفر لكم. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الآية فالملائكة تستغفر لآدم لنبي آدم لبني آدم pardon فالملائكة تستغفر لبني آدم فالصلاة من الملائكة الاستغفار والصلاة من الآدميين الدعاء فأنت إذا قلت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله عليه فمعنى اللهم صل على محمد اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى تكريما له وتعظيما له. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit qu'il prie sur vous, ça veut dire qu'il fait des éloges à votre sujet, ô vous les croyants, auprès de ses anges. Et quand il dit que les anges prient sur vous, ça signifie en réalité qu'ils demandent pour vous le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement un verset qui parle de ce sujet-là dans Surat Ghafir, dans les premiers versets de cette surah, vous trouvez des paroles qui ont un lien avec ce sujet-là. Puis on va les lire ensemble. Donc le cheikh il mentionne le verset 7 et 8 dans Surat Al-Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toutes choses, ça c'est les anges qui disent ça. Seigneur, tu étends sur toutes choses ta miséricorde et ta science, pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses, et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. Donc ça c'est les versets qui sont mentionnés dans cette sourate qui montrent que les anges demandent le pardon pour les fils d'Adam. Okay. Ensuite il dit que la salat de la part des anges donc c'est la demande du pardon, tandis que pour les êtres humains quand ils font la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'ils font des du'as. Ça veut dire qu'ils font des du'as pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu dis sallallahu alayhi wa sallam, tu fais un du'as pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme si tu demandais à Allah subhanahu wa ta'ala de glorifier ou de mentionner le bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, hein, de faire des éloges à son sujet. Donc c'est quand tu dis Allahumma salli ala Muhammad, hein, c'est comme si tu disais oh Allah, hein, quand tu dis oh Allah prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu disais en réalité oh Allah mentionne les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de tes anges par honneur pour lui, pour l'honorer et pour montrer son respect, pour montrer son honneur et pour montrer son respect. Ensuite le cheikh il dit والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعه بالاجماع واحيانا تجب كما في التشهد الاخير وهي ركن من اركان الصلاه واما ما عدا ذلك فهي مستحبه ومتاكده وتصلي عليه دائما وابدا وتكثر من الصلاه عليه لان هذا من حقه صلى الله عليه وسلم تصلي عليه كما ذكر كلما ذكر اسمه ومر اسمه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا يصلي عليه ويصلي عليه القريب والبعيد القريب من قبره صلى الله عليه وسلم ومسجده والبعيد كلهم يصلون عليه وتبلغه صلاة المصلي قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. Donc le cheikh explique que donc la prière qu'on fait sur le prophète صلى الله عليه وسلم et la salutation, hein, c'est bien important de comprendre en passant qu'on ne prie pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire on lui demande rien et on lui fait pas des invocations à lui pour lui demander quoi que ce soit. C'est plutôt qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer sa bénédiction et ses prières et yani de faire les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mentionner le bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Donc c'est pas des prières qu'on adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt des invocations qu'on fait pour lui. Donc c'est ça ce que ça signifie. Et le cheikh il dit que d'envoyer la salat et le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est légiféré. Ça fait partie de la charia. Et c'est prouvé par l'ijma. Hein, c'est confirmé par le consensus. Et parfois, c'est ordonné, c'est obligatoire parfois, comme dans le dernier tashahhud, dans la prière. Dans le dernier tashahhud, dans la prière, donc c'est un des piliers parmi les piliers de la prière. Celui qui ne fait pas le dernier tashahhud volontairement, hein, sa prière sera nulle. أما ما عدا ذلك فهي مستحبة ومتأكدة. Donc il dit, et tout ce qui est en dehors de la prière qu'on fait, de l'invocation qu'on fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dernier tashahhud, en dehors de ça, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Et c'est quelque chose qui est disons, il y a une, c'est-à-dire c'est très important de le faire. Hein, c'est très important et très recommandé de le faire. Ensuite, le cheikh il dit, tu dois toujours envoyer la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le dire souvent parce que ça fait partie de ses droits sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu envoies ta prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque fois que tu entends son nom, que son nom est mentionné, hein, ou que tu lis son nom quelque part dans un livre, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui envoie la salat sur moi une fois, Allah subhanahu wa ta'ala lui retourne 10 fois. Hein, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce même dua pour lui 10 fois. Donc 10 fois plus. Hein, 10 fois. Donc si à chaque fois que tu le fais une fois, Allah subhanahu wa ta'ala il te le renvoie 10 fois. Donc ça c'est pour montrer le mérite d'envoyer la paix et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Abi Huraira. Donc c'est un hadith authentique. Ensuite le cheikh il dit, et on doit prier envoyer notre prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on soit près ou qu'on soit loin de l'endroit où il est enterré dans sa à côté de sa mosquée. C'est-à-dire que qu'on soit près de sa mosquée, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle a été incorporée, c'est-à-dire parce que il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, puis la maison de Aïcha était collée à la mosquée, hein, c'était une des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était collée à la mosquée. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a été enterré dans la mosquée de Aïcha, dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, qui était collée à la mosquée. Puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite, quand il y a eu des expansions de la mosquée, ils ont fait une expansion vers l'ouest au début, puis plus tard par la suite il y a eu une expansion vers l'est et on a incorporé la maison de Aïcha radiyallahu anha à l'intérieur de la construction de la mosquée. Donc c'est à partir de ce moment là que il y a eu cette introduction là de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, mais ça ne faisait pas partie de la mosquée à l'origine. Donc, c'est pourquoi pour certaines personnes aujourd'hui, c'est une shubha, yani c'est un point qui les mélange. Parfois, ils ne comprennent pas comment ça se fait que la tombe soit dans la mosquée, parce que c'est interdit, bien entendu, de mettre une tombe dans une mosquée. Mais c'est juste pour faire comprendre, en fait, que à l'origine, elle n'était pas dans la mosquée. Mais c'est des gens qui sont venus après les sahaba, bien longtemps après, et ça a été fait sans l'ordre des ulama. Les ulama étaient contre à l'époque, mais c'était une décision qui avait été ordonnée par les politiciens, les responsables de l'époque, et ils ont fait ça, malheureusement. Donc, c'est pas une justification de cette action-là, mais c'est juste pour dire que tu sois près de cet endroit-là où il est enterré aujourd'hui, sallallahu alayhi wa sallam, ou que tu sois loin, c'est pas grave. Parce que si tu es loin, il y a des anges qui vont venir pour lui transmettre ta prière, c'est-à-dire pour lui transmettre le doua que tu as fait pour lui, le salut que tu lui as envoyé. Donc quand tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque vous envoyez la paix et le salut sur moi, ça me vient, peu importe d'où vous êtes, ça va m'atteindre. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui transmettent l'invocation qu'on a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui est transmise. C'est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan et par l'imam Ahmad dans sa Musnad selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Donc le cheikh ensuite il dit wa takunu as-salatu was-salamu alayhi bi hadhihi as-sira sallallahu alayhi wa sallam wa hakadha li qawlihi ta'ala sallu alayhi wa sallimu taslima. Le cheikh il dit que quand tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu envoies cette invocation là, tu fais cette invocation là pour lui, tu dois le dire dans la formule suivante. Tu dis sallallahu alayhi wa sallam, que Allah envoie sa on le traduit comme ça en français, paix et salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en fait on a expliqué que ça veut dire sallallahu alayhi, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala fasse les louanges ou les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui envoie sa salutation également. Donc on envoie ça sur, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire ça pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit le dire dans cette forme-là parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans cet ordre-là qu'il le mentionne dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc sallallahu alayhi wa sallam. Dans le même ordre et la même forme qu'il est mentionné dans le verset. Ensuite, le cheikh il dit amma man yaqulu sallallahu alayhi wa ala alihi فهذا إنما ورد في التشهد الأخير في الصلاة الإبراهيمية أنه يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم أما ما عدا ذلك فإنك تقول صلى الله عليه وسلم ولا تقول صلى الله عليه وآله. الشيخ الزي دونك on doit le dire dans la forme qu'on a mentionnée, sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce qui concerne ceux qui disent sallallahu alayhi wa alihi wa ala alihi, c'est-à-dire que Allah envoie ses éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille, le cheikh il dit que c'est mentionné uniquement dans le dernier tashahhud, dans la prière al-ibrahimiyya, la prière qu'on fait, le doua qu'on fait pour Ibrahim et ses descendants. Et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses descendants, on mentionne, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dans ce doua, on mentionne la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est uniquement dans cette salat al-Ibrahimiyya. En dehors de ça, on dit sallallahu alayhi wa sallam et on ne dit pas sallallahu alayhi wa alihi, d'accord. Le cheikh il donne des raisons pour ça. Il dit premièrement awwalan li'anna hadha shay'un lam yarid wa ghalib kutub al-hadith wa kutub al-fiqh وجميع الكتب غالبا غالبها فيها صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا من شعار الشيعة، وهم الذين يقولون صلى الله عليه وعلى آله، فنحن لا نشابههم في هذا، بل نقول صلى الله عليه وسلم أو نقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Donc, comme on expliquait, il y a deux raisons pourquoi on ne doit pas dire quand on envoie le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas dire sallallahu alayhi wa alihi. Premièrement, le cheikh dit parce que ça, c'est pas mentionné dans les hadiths, ni dans les livres de hadith, ni dans les livres de fiqh. La plupart des livres, on mentionne uniquement sallallahu alayhi wa sallam. Puis, deuxièmement, il dit que ça, c'est un des slogans des shi'a. C'est ce qu'ils disent, eux, sallallahu alayhi wa alihi. Donc, nous, on ne doit pas leur ressembler, on ne doit pas les imiter. Et donc, on dit sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on dit sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Hada huwa al-mashru'. Ou bien on dit ça de cette façon-là. على آله وأصحابه وسلم. Mais on ne dit pas seulement صلى الله عليه وآله comme les shi'a. Puis après le shaykh il dit ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. Ça c'est la suite du verset, c'est le verset 57. Inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi ad-dunya wal akhirah. Alladhina yu'dhuna Allah jalla wa ala bi tanaqqusihi wal ishrak bihi wa nisbatul walad ilayhi kama taquluhu an-nasara wal mushrikuna min al-arab ha'ula'i yu'dhuna Allah wa rasulahu bal ja'a fil hadith al-qudsi إن الله تعالى يقول يؤذيني ابن آدم يقول يؤذيني إن الله تعالى يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. Donc le cheikh il mentionne ensuite le verset 57 qui dit: ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Donc le cheikh il mentionne ce verset-là, puis là il l'explique. Ceux qui offensent Allah en le diminuant ou en essayant de le diminuer ou en faisant le shirk avec lui, en lui attribuant un enfant comme les chrétiens le disent, de même que les mushrikoun qui attribuaient à Allah subhanahu wa ta'ala des filles, qui disaient que les anges sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux-là ils offensent Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et c'est mentionné même dans le hadith al-Qudsi qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit le fils d'Adam m'offense, il insulte le temps alors que je suis le temps, je fais tourner le jour et la nuit, je fais tourner le jour et la nuit. Et dans une autre narration, ana dahr biyadi al-amr uqallibu al-layla wan-nahar, dans une autre narration rapportée par l'imam al-Bukhari selon Abi Huraira également, c'est mentionné, je suis le temps, c'est entre mes mains que les choses, que toute chose, c'est toute l'affaire est entre ma main. Je fais tourner le jour et la nuit. C'est moi qui fais changer et qui fait que le jour et la nuit se succèdent l'un après l'autre. Donc le shaykh il dit: فالدهر ليس له تصرف وإنما هو مخلوق فمن ذم الدهر فقد ذم المتصرف في الدهر وهو الله سبحانه وتعالى وهذا يؤذي الله والله جل وعلا يتأذى بالمعاصي والشرك ولكنه لا يتضرر لأن الله لا يضره شيء سبحانه وتعالى ولا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين لأنه هو الغني الحميد. Donc le cheikh il dit que le temps, quand on insulte le temps, c'est pas le temps qui contrôle quoi que ce soit, parce que le temps il est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui insulte le temps, il est en train d'insulter celui qui contrôle le temps, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, ça offense Allah subhanahu wa ta'ala. Ça offense Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est offensé par les péchés et par le shirk que les gens font. Sauf que ça ne lui nuit en rien. Il est offensé par ces choses-là, mais ça ne lui fait pas aucun tort et aucune nuisance. Hein, ça le nuit pas. Hein, parce qu'il n'y a rien qui peut lui nuire ou lui faire du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni les péchés de ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme les obéissances de ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent rien lui profiter, ne peuvent rien lui rajouter, lui donner en plus, ou lui augmenter en bien. Parce que il est al-Ghani, al-Hamid. C'est-à-dire, il est celui qui se suffit à lui-même, qui est riche, hein, et qui est digne de louange. Il n'a pas besoin ni de l'obéissance de ses serviteurs, ni de quoi que ce soit de ses serviteurs. Hein, c'est pour nous-mêmes, si on adore Allah, que ça fait du bien. Puis ensuite, il mentionne que les péchés qu'on fait, ça ne lui fait pas du tort non plus. Hein, il est offensé par ces péchés-là, mais ça ne lui cause aucun tort en réalité. Donc, le cheikh, il dit, فَمِنْ أَذِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى أَلِشْرَاكُ بِهِ وَمِنْ أَذِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى مَسَبَّتَ الدَّهَرُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ ومن أذية الله سبحانه وتعالى فعل المعاصي وارتكاب المحرمات فإنها معصية لله. الشيخ الزين parmi les choses qui offensent Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le shirk que les gens font avec Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses également qui offensent Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait d'insulter le temps, comme c'est mentionné dans le hadith. Hein? Et parmi les choses qui offensent Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de yani faire des péchés et de commettre ce qui a été déclaré haram par Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui a été interdit. Donc, parce que c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh dit, فَالْعَاصِي يُؤْذِي اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى لِأَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَهُ وَعَصَى أَمْرَهُ فَأَذِيَةُ اللَّهِ تَتَنَاوَعُ عَلَى الْمُسْلِمِ تتنوع وعلى المسلم أن يجتنب ما يؤذي الله سبحانه وتعالى من جميع الأقوال والأعمال والتصرفات. Le cheikh il dit donc que la personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, elle offense Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elle contredit l'ordre et elle désobéit au commandement. Donc il peut y avoir différentes catégories de choses qui offensent Allah subhanahu wa ta'ala, et donc le croyant, le musulman, il doit s'écarter de tout ce qui offense Allah subhanahu wa ta'ala parmi toutes les paroles ou les actions et les comportements qu'on peut avoir. Et le cheikh il dit, وَأَذِيَةُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَكُونُ بِتَنَقُسِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ أَنَّهُ مَا بَلَّغَ الرِّسَالَةُ أو أنه قصر في البلاغ إلى غير ذلك من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. En ce qui concerne le fait d'offenser le messager صلى الله عليه وسلم, ça se produit dans le fait que quelqu'un il diminue le prophète صلى الله عليه وسلم, hein, il lui manque de respect, ou bien qu'il dit qu'il n'a pas transmis le message ou la prophétie, ou bien qu'il a fait il a eu des manquements dans la transmission de la prophétie, ainsi que beaucoup d'autres exemples de choses qui sont des offenses envers le messager sallallahu alayhi wa sallam. ومن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام في زوجاته أو تنقص بعض زوجاته أو بناته عليه الصلاة والسلام فإن هذا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. De même que parmi les choses qui offensent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de parler contre ses femmes, de dire des choses contre ses épouses, hein, et de rabaisser une ou plusieurs d'entre ses épouses ou parmi ses filles. alayhi salatu wa salam. Ça, ça cause de, ça offense le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que le cheikh il dit ensuite, وَكَذَلِكَ مِمَّا يُؤْذِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تنقص الصحابة لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون وأفضلها وهم الذين نشروا هذا الدين وبلغوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي يسبهم أو يتنقصهم كالرافضة والشيعة هؤلاء يؤذون الله ورسوله نسأل الله العافية. Le cheikh il dit de même que ceux qui insultent le messager sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui offensent, de même parmi les choses qui font partie de l'offense du messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a ceux qui insultent les sahaba. Parce que le fait d'insulter les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce sont eux les meilleures générations, les meilleures générations, et ce sont eux qui nous ont transmis cette religion, qui l'ont transmis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont eux qui sont l'intermédiaire entre nous et le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui insulte les sahaba ou qui les rabaisse ou qui les diminue comme les rafida, les shi'a, comme les rafida, eh bien ceux-là, ils sont en train d'offenser Allah subhanahu wa ta'ala et son messager en faisant ça. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Ensuite, le cheikh il dit, وجزاء الذين يؤذون الله ورسوله ما ذكره في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا جزاء وهذا جزاء من يؤذي الله ورسوله وأن الله يطرده ويبعده من رحمته جل وعلا. Donc, le cheikh il dit, et la rétribution de ceux qui offensent Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, elle est mentionnée dans le verset, dans la fin du verset 57. Il dit que il a préparé ceux qui offensent Allah subhanahu wa ta'ala, dit ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les a maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et leur a préparé un châtiment avilissant. Donc le cheikh il explique que al-la'n, comme c'est mentionné dans le verset, la'anahum Allah fi dunya wal akhirah, al-la'n ça veut dire at-tard, de se faire chasser et de se faire repousser et éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la signification de al-la'n, la malédiction. Et ça c'est la rétribution de toute pour toute personne qui a offensé Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala le chasse et l'éloigne de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit ensuite, wa min adhiyati Allah kama ja'a fi al-hadith at-taswir fa innal musawwirina yu'dhuna Allah jalla wa ala li'annahum yatashabbahuna billah في خلقه ويضاهئون خلق الله جل وعلا فهم يؤذون الله ورسوله وجاء عن بعض السلف أن المصورين معنيون في هذه الآية الكريمة في الدنيا والآخرة فهم مطرودون من رحمة الله في الحياة الدنيا وبعد الموت وفي الدار الآخرة ولا مطمع لهم في رحمة الله ليسوا ملعونين في الدنيا فقط بل في الآخرة بل وفي الآخرة وهذا دليل على شقاوتهم وعلى حرمانهم من الرحمة بصفة دائمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le cheikh il dit que parmi les choses qui rentrent dans le fait d'offenser Allah subhanahu wa ta'ala, il y a qu'est-ce qui est rapporté dans le hadith au sujet de faire des images et des représentations des créations qui ont une âme. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné que ceux qui font des images et des représentations des êtres qui ont une âme, ça offense Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'imiter Allah subhanahu wa ta'ala et d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une offense pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et comme c'est rapporté par certains des salafs, les gens qui font des images, c'est de eux dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset-là. Hein, ça a été rapporté de la part de certains parmi les salafs que ce verset-là parle des gens qui font les images. Hein, c'est de eux qu'on parle dans ce verset. Et le cheikh il dit, وَفِدْدُنِيَا وَالْآخِرَةِ, c'est-à-dire ils sont maudits dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ça veut dire qu'ils sont chassés et repoussés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas et également après la mort, hein, dans la vie de l'au-delà. Donc ils n'ont aucun espoir, ils ne peuvent avoir aucun espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas seulement maudits dans cette vie d'ici-bas uniquement, mais ils sont maudits dans l'au-delà aussi. Donc ça c'est la preuve de leur malheur, hein, et du fait qu'ils sont privés de la miséricorde yani d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon permanente. Wala hawla wala quwwata illa billah. C'est-à-dire il n'y a pas de mouvement ni de force excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit wa a'adda lahum 'adaban muhina. Il a préparé pour eux un châtiment avilissant, humiliant. وهذا وعيد آخر فالذين يؤذون الله ورسوله لهم عقوبتان الأولى أن الله لعنهم في الدنيا والآخرة العقوبة الثانية أن الله أعد لهم عذابا عظيما في الآخرة وهذا وعيد شديد نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit que ça c'est une autre menace que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne au sujet de ceux qui font du tort, qui font du tort aux croyants, au sujet de ceux qui offensent Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils auront deux châtiments. Le premier châtiment c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et le deuxième châtiment, c'est que Allah leur a préparé un châtiment énorme et avilissant dans l'au-delà. Et ça, c'est une menace très sévère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah nous en épargne et nous en protège. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera le tafsir de ce verset, de ces versets, inshallah, le lundi prochain, bi'ibnillah. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Je voudrais juste mentionner avant de vous quitter que le mercredi, hein, pour ceux qui peuvent, il y aura le cours de Sharh As-Sunna de l'imam Al-Barbahari, hein. Donc ceux qui veulent assister pour le cours, maintenant on va le faire 3 jours par semaine, samedi, dimanche et mercredi, à la même heure, inshallah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Désolé pour les coupures de connexion. Inshallah, on va essayer de remédier à ça pour les cours à venir, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.